vivre, laisse-moi vivre. De la plume à mon cœur, je rêve de partir loin de cette tristesse qui me retient ici en détresse. Laisse-moi vivre, loin de cette misère, je pleure, plonge derrière ces barrières. Récueille son jeu, j'ai mal de nerfs. Le danger m'exaspère, je veux pas flancher, j'espère. Sortir d'ici, loin de ce débris qui me gêne depuis, je sais ma furie. À long terme, partant de pénurie, ma haine s'agrandit. Sur scène, je prends le gabarit, même si je suis pas riche. Fiche-moi le camp, je prends mauvais pays, j'entends la symphonie musicale. Selon ma tradition, ma culture orientale. Original sur le sample, le violon sur le violon. Ayant plus du succès Clara Fabian, vu que c'est la triage, chef bois sur ce titre. On est reconnu, renommé au sein de la Kibla. On n'aurait pas l'ultime blast, mon district 1070, ma rue, ce public qui chaque fois nous entoure. En toute convivialité dans nos concerts, reste là depuis le premier jour. Je m'exprime en toute liberté, un exprime mon taux d'honneur et fierté. Exprime soit la qualité poète archaïque. Lâche mes rimes sur n'importe quel support de musique. Un rap lucide spécialement orienté vers le rail. Il milite pour défendre l'origine de nos faces illégales. Actuellement, je reste le même tel qu'avant. On compte pour mon groupe une anthologie. Tempérament instable, humblement comme l'a été ma mère jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui. Laisse-moi vivre, laisse-moi vivre. Prendre ma rive, faut qu'on y arrive, pour que je puisse mieux vivre. Privé de rap, ils peuvent courir. Et même si tu t'en fiches, hey, Khalenenaïch, amène-toi, sors ta niche. La triage, chaque bois pour le même but ou mettre quiche. Tu rap pour rail, juste pour pouvoir avancer sur nos rails. De façon, y'a pas de paille. 16 museaux pour dire que je suis taille. Ambiance orientale, augmente le son, ton installe. Ouvre le bal, il va y avoir de la faille. Faites du bruit, faut qu'on y aille. Laisse-moi vivre près de mes frères, mais pas la tête en l'air. Des balles tapis rouge maintenant, faut que ça bouge. Laisse-moi vivre. Laisse-moi vivre, laisse-moi vivre, laisse-moi vivre, laisse-moi vivre.